Monsieur ? Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà monsieur. Et avec ceci ? Je vais prendre aussi 3 croissants et un pain au chocolat. Voilà monsieur. Ce sera tout ? Oui, merci. Ça fait combien ? 2,70 € monsieur. Madame ? Bonjour madame, il me faudrait un gâteau pour 6 personnes s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez comme gâteau ? Une tarte, un gâteau au chocolat ? Peut-être une belle tarte aux pommes. Celle-ci est à combien ? 12 euros.